La web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo vous invite dans la discothèque de l'altiste Ieva Sruojite. Bonjour à tous. J'aimerais commencer cette présentation par un disque et surtout un artiste qui me tient beaucoup à cœur, avec qui j'ai pu en fait travailler au CNSM de Paris. C'est un grand altiste, Antoine Tamestit. Et son travail en tant qu'artiste me passionne beaucoup car chaque concert, chaque programme, il essaie vraiment de penser au public, de penser comment intéresser, comment faire vivre la musique différemment. Et c'est ça aussi qu'il m'a enseigné quand j'étais dans sa classe. C'est vraiment de se mettre à la place du public et de l'auditeur et se demander qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il va entendre ou il ne va pas entendre dans une pièce de musique. Donc, j'ai choisi commencer par lui. Et vous allez voir, vous allez entendre un extrait de son disque, Bel Canto, qui est vraiment basé sur l'idée que l'alto, c'est un instrument qui peut chanter, comme la voix humaine. Et donc, il fait vraiment chanter son instrument. J'aime beaucoup la sonorité, très chaleureuse, très douce en même temps. Et vous allez entendre l'élégie de Vieux Temps. Après cette fin romantique, on va un petit peu changer d'univers, on va entrer en 20e siècle et on va visiter l'univers du compositeur Béla Bartók. Et ce compositeur est important pour alto parce qu'il a écrit un concerto pour alto, c'était son dernière œuvre qui n'a même pas achevé. Mais là, on ne va pas écouter alto, on va écouter deux violons. Et en fait, j'ai voulu mettre des extraits, des duos pour du violon que Béla Bartók a écrit pour des buts pédagogiques. Donc ces duos, il y a au total 44, sont basés sur les mélodies traditionnelles de l'Hongrie, de la Slovaquie, de Tchèque. Et en fait, ils traitent cette musique traditionnelle d'une manière très pédagogique. Il fait beaucoup de contrastes, il note beaucoup d'indications sur la partition. Les voix se partagent, les thèmes, parfois c'est accompagnement, parfois c'est imitation, parfois la mélodie, parfois c'est que des sons rythmiques. Donc, c'est très varié. Il y a au total 44, comme j'ai déjà dit, et ils sont très courts. Donc, vous allez entendre trois. Le premier s'appelle Pizzicato, joué seulement avec les doigts en pinçant les cordes. Deuxième, c'est Danse des moustiques. Et le troisième, Cornemuse. Et les interprètes seront Sándor Weg et Alberto Lisi. après cette ambiance un peu paysan, on va entrer dans, chez un autre compositeur avec qui j'ai eu le plaisir de travailler ensemble. C'est un compositeur français, Philippe Herson, qui compose toujours et qui cherche vraiment mêler les timbres des différents instruments. En tout cas, c'est ça que j'ai perçu quand j'ai travaillé avec lui. Donc, j'ai aussi regardé un film pour lequel il a écrit la musique. Ça s'appelle film « Être et avoir ». Ce film se passe vraiment à la campagne, en France, quelque part loin, et raconte une histoire d'un professeur qui est très dédié pour ses élèves, pour sa petite classe. C'est une petite village, donc il y a très peu d'élèves. Et comment il les enseigne, comment il communique avec eux, et quelles sont les difficultés, et comment la vie avance, et les élèves partent. Et voilà, donc très beau film à voir. Et Philippe Herson, avec sa musique, il a vraiment composé avec langage très contemporain. Il a composé quelque chose comme, j'oserais dire pour moi, un peu paysan, un peu champêtre, en utilisant des différents modes de jeu, des différents timbres. Donc, c'est comme ça, je perçois aussi ces deux duos, ces duos pour alto et basson que vous allez entendre. Et c'est intéressant parce que alto et basson ont une tessiture un peu pareille ensemble. Et ils peuvent jouer des mêmes hauteurs, des notes. Et donc, mais le timbre est très, très différent. Et je pense que ça donne des sons intéressants. Et on va écouter 3 duos. Il y a au total 8, mais on va écouter 3 de Philippe Herson. Thank you. Vous venez d'entendre les duos de Philippe Herson joués par Arnaud Torrette en alto et Gilbert Audin en basson. J'aimerais partager avec vous une rencontre que j'ai faite récemment. C'était en octobre avec une très grande altiste et aussi pédagogue, Nobuko Imai. Donc, c'est une femme que je connaissais du nom depuis longtemps et qui a fait beaucoup d'enregistrements pour des pièces d'alto, qui a fait beaucoup de concerts. Donc, c'est vraiment c'est un grand nom pour dans le monde musical, pas seulement des altistes, mais voilà, dans le monde musical. Et vraiment, finalement, c'était mon rêve de la rencontrer. Et j'ai pu le faire lors d'un stage, en fait, stage d'alto que je fais avec elle. Et elle m'a vraiment fascinée. C'est une femme qui n'est plus très jeune. Je ne sais pas quel âge, mais vraiment, telle énergie, tel regard positif vers les élèves, vers la musique, vers tout qui l'entoure, vers ce qu'on fait. Elle était la première de proposer aux jeunes de sortir, de peut-être faire une marche vers un musée, ou vraiment très très active et comment elle enseigne. J'étais fascinée, en fait, parce que elle cherche vraiment de trouver des points le plus forts chez un élève et de les faire ressortir en même temps en l'aidant d'apprendre quelque chose qu'il n'arrive pas encore à faire. Donc, c'est une vraie pédagogue, à mon avis. Et elle m'a beaucoup aidée. Et on a eu, un bon moment ensemble avec elle et avec d'autres altistes. J'aimerais vous faire écouter un mouvement joué par Nobuko Imai et Yona Braun de la symphonie concertante de Mozart. Thank you. venez d'entendre la symphonie concertante de Mozart pour alto et violon. Et donc, c'est une des œuvres seules de Mozart écrite pour alto en tant qu'instrument soliste. Et on va passer peut-être dans l'univers de musique de chambre où l'alto est très important. Il y a beaucoup d'œuvres où l'alto fait partie d'un groupe. Donc on va découvrir un quatuor. Et j'aimerais partager avec vous la joie que j'ai eue quand j'ai découvert un quatuor chiaroscuro qui est basé en Angleterre. Pourquoi il m'a tellement plu? Aujourd'hui, on a beaucoup de quatuors, des quatuors excellents, des enregistrements excellents, parfaits dans le son, dans la justesse. Et avec toutes ces techniques d'enregistrement qu'on peut faire, vraiment, nos oreilles s'habituent à la musique presque parfaite, sans aucun bruit à côté, sans le vrai, parce que quand on joue avec les instruments sur la scène, parfois on a des grincements des cordes ou des bruits un peu parasites qui parfois même aident à l'interprétation, je dirais. Donc ce quatuor m'a fascinée parce que tout d'abord ce sont quatre musiciens qui viennent des pays différents. Et ils sont tous basés en Angleterre. Et les quatre personnes jouent aussi musique moderne que la musique ancienne, donc avec les instruments plus anciens, avec les cordes en boyau, avec les archets d'époque aussi. Donc, et ils se permettent surtout, niveau sonore, à faire des petits, parfois... imperfection des sons ou des petits grincements et ça aide tellement pour l'interprétation. À mon avis, j'ai écouté certains de ces quatuors de Beethoven et j'ai trouvé vraiment ça formidable. Et là, vous allez entendre autre chose, vous allez entendre un extrait de quatuor de Schubert, quatuor qui s'appelle Rosamunde, et ça va être le deuxième mouvement. Thank you. J'aimerais maintenant partager avec vous une pièce que j'ai eu l'occasion de jouer et aussi travailler avec le compositeur de cette pièce, qui est Alain Louvier, donc compositeur basé à Paris, français, et qui a vraiment fait une recherche pour... recherche des modes de jeu, recherche des gammes ou des modes de tonalité, et il a écrit une œuvre pour exactement même instruments comme Debussy avait fait pour Debussy a écrit une sonate pour alto, harpe et flûte, et Alain Louvier a aussi choisi ces trois instruments un petit peu inspiré par Debussy. Donc. Mais son idée, je trouve, est géniale. Et en fait, il a observé les papillons. Il a observé les papillons voler, et se reposer, faire des nocturnes. Et avec s'inspirant de ces papillons, il a écrit... un très beau trio de trois mouvements qui s'appelle Un vol d'écailles. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec Alain Louvier et j'étais fascinée par vraiment son exactitude sur lequel il se basait pour vraiment arriver à quelque chose très très libre, parce qu'un papillon il vole très librement, il se repose, voilà, c'est, il n'y a aucun rythme, il y a rien de très précis, mais en fait il a extrêmement précisément tout noté sur la partition, tous les rythmes, tous les auteurs, et donc là la partition sort vraiment des règles classiques, mais c'est vraiment passionnant à découvrir. et pas évident au premier regard. Et ce qui m'a aussi très inspirée, que le compositeur, il savait exactement ce qu'il voulait, et même un petit truc qui n'était pas exact dans mon jeu, il était très exigeant de le demander quand même. Donc voilà, j'aime bien l'exigence et ce partage avec le compositeur. Donc vous allez entendre en fait le deuxième mouvement de ce trio. Le deuxième mouvement s'appelle « Un vol furtif d'une nuit d'été ». Donc vraiment le nom très impressionniste qui nous met tout de suite dans un état, voilà, nuit d'été, des envols furtifs, on peut un petit peu imaginer. Ce qui est aussi intéressant, que à certains moments, l'harpe, donc un des trois instruments, elle joue avec l'archer. Et c'est vraiment, voilà, d'habitude l'harpe joue avec les doigts, mais là, ça, on va avoir un peu de l'archer. Et on va écouter une version jouée par Patrick Gallois en flûte, Pierre-Henrique Suareb en alto et Fabrice Pierre à l'harpe. Thank you. l'altiste Ieva Sruojite présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. On va de nouveau changer un petit peu l'univers. Et j'aimerais partager ma passion, on peut dire, un tout petit peu, pour grand compositeur allemand, Johannes Brahms. Et il a écrit plein de pièces pour musique de chambre, où l'alto fait partie. Il a écrit beaucoup de... pas beaucoup, mais plusieurs symphonies et que j'ai beaucoup de plaisir toujours à jouer quand j'ai l'occasion. Et en fait, ce que j'aime chez ce compositeur, c'est comment avec les mélodies et les modes de jeu, voilà, classiques et simples, il arrive à faire une forme extrêmement complexe et qui est presque parfois même, je dirais, contemporaine. Je dirais même 20e siècle. Donc là, on aura à écouter une deuxième mouvement de la sonate de Brahms pour alto et piano, joué par Veronika Hagen en alto et Paul Gulda au piano. C'était le deuxième mouvement de la deuxième sonate de Johannes Brahms, jouée par Veronika Hagen en alto et Paul Goulda au piano. Maintenant, j'aimerais partager avec vous une pièce d'un compositeur français, Gérard Griset, de deuxième moitié du XXe siècle, qui a vécu voilà, il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'ai découvert ce compositeur en jouant sa pièce pour alto et électronique qui s'appelle Prologue. Et c'est intéressant parce que il prend vraiment une cellule des sons de 5, il me semble, et il les développe en faisant vraiment un spectre de ces sons. Donc il y a des quarts de ton, il y a des accélérations, des ritenuto, des tempos, et c'est une pièce vraiment très très linéaire, je trouve, et qui fait entendre le son différemment, et le son d'alto aussi. Mais là, on ne va pas entendre cette pièce. En fait, Griset, je trouve, était un compositeur excellent, avec des idées excellentes surtout. Et il a eu l'idée de composer pour les instruments de percussion. Donc, voilà. Mais en même temps, en essayant de créer une œuvre de la musique spectrale. Mais comment faire, en fait, musique spectrale avec un instrument de percussion qui a juste, voilà, il n'a pas beaucoup des auteurs des instruments à percussion. Donc, il faut faire quelque chose. Et en fait, Griset avait une idée géniale de composer, en fait, le spectre du rythme. Et c'est-à-dire vraiment faire une étude sur le temps et donc élargir, diminuer les rythmes et comme ça faire le spectre avec des instruments de percussion. Donc j'étais fascinée en découvrant cette œuvre et surtout il est très intéressant de l'écouter en regardant la partition parce que cette notion du temps est très visible quand on regarde la partition. Sans partition, voilà, il faut bien s'accrocher parce que comme c'est une étude sur le temps, ça commence très très lentement et ça prend du temps avant que voilà, les sons des percussionnistes s'accélèrent. Donc on a une pièce écrite pour 6 percussionnistes qui s'appelle Tempus Ex Machina. Et qui est une pièce assez longue, mais on va entendre un extrait qui parle déjà sur l'œuvre, et joué par Ensemble S. On vient d'entendre un extrait de Gérard Griset, une pièce qui s'appelle Tempus Ex Machina pour six percussionnistes. Maintenant, on va écouter une œuvre qui me tient beaucoup à cœur, car je l'ai jouée plusieurs fois et il me passionne toujours quand je l'écoute en concert, quand je le joue. Vraiment, c'est le compositeur a vraiment su comment mettre dans une pièce tout qui peut faire la musique dite romantique. Donc c'est les changements de tonalité, c'est des mélodies passionnantes, c'est des accompagnements très très riches, c'est des ambiances vraiment extrêmes, extrêmes sombres, extrêmes lumineuses. C'est vraiment impressionnant, toujours à jouer et à écouter. Je voudrais dire que ce compositeur a écrit cette pièce quand il était très jeune et avant de commencer un style de musique totalement différente. Donc, je parle de compositeur Arnold Schoenberg, qui est connu pour son dodécaphonisme principalement, et aussi pour cette pièce dont je vous parle, qu'il a écrite quand il était jeune, une vingtaine d'années, 23, 24 à peu près, qui s'appelle La nuit transfigurée, qui est basée sur une histoire extrêmement romantique d'un couple qui se promène en forêt et qui a un débat un peu sensible parce que la femme est enceinte de quelqu'un d'autre et elle demande le pardon de son copain de cet homme et voilà et la musique en fait décrit tout ce qui se passe pendant leur dialogue. Et en jouant cette pièce, je pouvais imaginer même que là, c'est la femme qui parle, là, c'est l'homme qui parle, là, il y a des sentiments un petit peu douloureux, là, peut-être qu'ils arrivent à un accord. Et bien sûr, la fin est très lumineuse et qui illumine, j'imagine, leur vie. Voilà, on peut lire le poème sur lequel la pièce est basée. Donc on va entendre la totalité de l'œuvre. Donc Arnold Schoenberg, La nuit transfigurée, version jouée par... Donc c'est un sextuor à cordes du violon, du alto, du violoncelle. Et la version sera jouée par Janine Johnson au premier violon et voilà, et la compagnie, les autres artistes. Thank you.

On vient d'entendre La Nuit Transfigurée de Arnold Schoenberg avec Janine Jansson au premier violon. Donc maintenant, j'aimerais partager avec vous une idée, en fait, tout d'abord, que j'ai sur un musicien d'aujourd'hui. Je trouve qu'avec le monde à cette vitesse, avec la technologie, avec l'information qu'on a aujourd'hui, je trouve qu'un musicien doit être beaucoup plus que seulement un bon instrumentiste ou un bon membre d'orchestre. Je trouve qu'il il doit aussi passer un message, il doit aussi pouvoir faire plusieurs presque métiers à la fois. Et ce, j'ai un artiste qui, je trouve, fait ça d'une manière excellente. C'est le violoncelliste Nicolas Alstead. Je trouve qu'il, tout d'abord, c'est un voilà, très, très bon violoncelliste, très belle technique, très, très beau son, mais il fait vraiment un très grand travail sur la scène quand il est, et travail de physique, de communication avec le public. Et il joue aussi musique ancienne que la musique d'aujourd'hui. Il a toujours l'air plein d'énergie sur la scène, toujours avec des idées personnel sur les œuvres. Et également, il lui arrive de se mettre aussi un peu au chef d'orchestre et à mener l'ensemble avec qui il joue. Donc, pour moi, c'est vraiment un exemple. Et j'aimerais que vous entendriez le concerto numéro 1 de Haydn. Le final de ce concerto joué par le violoncelliste Nicolas Alstead. Thank you. Vous êtes dans la discothèque de l'altiste Ieva Sruojite sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. On vient d'entendre un extrait d'un disque qui s'appelle Obrigado Brasil, joué par Yo-Yo Ma au violoncelle et Rosa Passos au chant. Donc, c'est cet artiste très connu et très grand violoncelliste, et non seulement violoncelliste, mais voilà, il m'inspire en tant que personne, en tant que personne lumineuse, en tant que personne très très intéressé par tout sort de musique. Et là on voit un style brésilien qu'il joue et qu'il développe, et il est tellement ouvert, et je trouve que aujourd'hui en tant qu'artiste on doit être intéressé, et on doit pouvoir jouer des musiques très différentes. On doit pouvoir improviser, on doit pouvoir faire peut-être un peu de musique folklorique ou musique ancienne. Et ça fait, et lui, je trouve qu'il mène très bien ce message et il m'inspire beaucoup, donc Yoyama. Prochain artiste que j'aimerais aussi vous faire écouter, c'est une violoniste qui est basée en Angleterre, c'est Rachel Podger. Elle joue pratiquement que la musique ancienne. J'étais en fait dans un de ses concerts qu'elle a fait à Paris, au théâtre Abbès, il y a quelques années déjà. Et j'étais fascinée de voir avec quelle aise, avec quelle grande liberté, elle change les violons entre les pièces, les violons qui sont accordés de manière différente, parce qu'avant, voilà, on n'accordait pas toujours avec les quintes, mais aussi en quarte ou même en tierce, parfois, et vraiment, avec grande liberté, elle jouait cette musique de période baroque, de période début classique. J'étais très fascinée par aussi son son, aussi son phrasé. Et j'aimerais vous faire écouter la première sonate de Johann Sebastian Bach, deux mouvements, Andante et Allegro, joué par Rachel Podger. Thank you. J'aimerais partager avec vous ma passion pour un autre instrument que l'alto. Donc j'aime beaucoup en fait le clavecin. Et pourquoi je l'aime ? Parce que c'est un instrument formidable qui... Voilà, tout d'abord on est assis qu'on joue, donc c'est plus confortable que l'alto, mais je rigole. Mais en fait, c'est surtout que les notes, quand on les joue, le son s'éteint tout de suite. Et il me semble qu'il n'y a pas de pédale, et on ne peut pas faire vraiment des nuances avec cet instrument. Donc beaucoup de difficultés si on veut faire la musique, mais j'admire tellement parce que on arrive quand même, et les musiciens de cet instrument arrivent quand même à faire des très jolies phrases, des longues phrases, des longues idées musicales, et c'est passionnant. Je me demande comment ils arrivent, et bien sûr c'est avec en jouant avec le temps. Et le son. J'aime beaucoup le son de cet instrument de clavecin. Et quand je l'écoute, il me semble que chaque son s'entend très très clairement. Donc on n'a pas une sonorité un peu globale, harmonique, comme avec piano, quand on presse trois ou quatre notes, comme un accord de trois, quatre notes. Avec clavecin, on a l'impression que tout semble un peu disparate. Et j'ai l'impression que c'est comme des petites graines de la terre qui bougent, qui sautent, qui fait un mouvement. Et c'est étrange pour les oreilles. Moi, j'aime beaucoup. C'est un peu gourmand pour les oreilles, je trouve. Donc, on va écouter une sonate, en fait, de Scarlatti. Sonate numéro 175, jouée par un grand clavéciniste français, Pierre Antaille. Une autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que je trouve la musique très proche au langage et j'essaie toujours un jour d'imaginer que je dis des phrases, différentes, pas forcément concrètes, mais pour moi, il y a un vrai lien entre comment on s'exprime en parlant et comment on joue. Et donc, prochaine pièce qu'on va entendre fait un lien entre le texte et la musique. Donc, c'est Dutilleux, compositeur français du XXe siècle. On le connaît surtout pour, d'abord pour son concerto pour violoncelle. Et donc là, ça va être une pièce pour la voix et orchestre qui s'appelle Correspondance. Et cette pièce, pourquoi elle est proche du texte? Parce qu'elle est basée sur des textes de Rilke, Rainer Maria Rilke et Vincent van Gogh. Donc c'est intéressant d'entendre ces textes en français, chantés et avec la musique qui décrit vraiment les mots, l'ambiance, et je trouve que Dutilleux arrive à vraiment faire une très très belle texture des timbres, des instruments. On entend vraiment tout ce qui se passe et les changements, il n'y a aucun instrument qui couvre l'autre et on entend aussi très bien la voix. Donc vous allez entendre un extrait de Correspondance de Dutilleux. L'extrait s'appelle Danse cosmique, chanté par une magnifique chanteuse très inspirante, Barbara Anningen. Prochain artiste que j'aimerais partager, c'est l'altiste Tabea Zimmermann, que je trouve a vraiment un vrai son d'alto qui me donne un vrai exemple et que voilà, c'est une image du son, cet altiste. Un son très très très très plein, rond, toujours dans la détente, toujours dans la résonance de l'alto. Et j'ai déjà observé quelques cours, parce qu'elle est aussi professeure, cette altiste Tabea Zimmermann. Elle sait vraiment toujours dire comment, en fait, elle arrive à faire ce son. C'est pas elle fait et c'est tout, elle sait expliquer. Donc c'est très intéressant pour les élèves qui travaillent avec elle. Et ça, j'aimerais bien faire un jour. Donc vous allez entendre un très beau son d'alto dans une pièce de Zoltán Kodály qui s'appelle pièce Adagio, jouée par Tabea Zimmermann à l'alto et Thomas Hopp au piano. Thank you. Après cette fin apaisante, on va passer à une autre fin, au final de Divertimento de Mozart pour un trio à cordes. Cette pièce est très, très intéressante pour moi parce que à la fois c'est une œuvre très longue de... On dit trois mouvements, mais il y a presque, je dirais, quatre si on compte tous les petites sections et longueur très très longue, une quarantaine de minutes, il me semble. Et surtout que tous les trois instruments sont traités de manière très solistique. Il m'est arrivé de jouer cette œuvre et même de travailler avec... mon ancien professeur Tamestit, que vous allez entendre dans cet enregistrement, et c'est vraiment il faut imaginer que qu'on est à la fois chambriste et à la fois soliste quand on le joue, et ce n'est pas facile toujours pour le style de Mozart. Et pour trouver un équilibre à trio cordes, parce qu'on n'a pas un deuxième violon, c'est-à-dire comme quatuor, il manque quelque chose. Donc il faut ça, soutenir ça par personnalité de chacun. Donc c'est une œuvre qu'on a pu, avec les gens avec qui j'ai joué, vraiment mettre notre personnalité. Mais on avait la difficulté de quand même tenir... le côté de musique de chambre et le côté légère du Mozart. Donc Divertimento, c'est pour une pièce pour divertir le public, mais il y a aussi un mouvement lent, il y a aussi des intonations un petit peu mineures. Mais vous allez entendre maintenant le final de ce trio, joué par le trio Zimmermann, dont Antoine Tamestit fait partie. Thank you. garder cette fraîcheur de Mozart, on va passer à une autre sorte de fraîcheur. Je parle de musique un peu minimaliste, plus simple dans la composition. J'aimerais partager avec vous un compositeur Arvo Pärt qui a écrit une œuvre Spiegel im Spiegel. Personnellement, cette œuvre me fait vraiment sortir du quotidien. Quand je l'écoute, j'ai l'impression de un tout petit peu partir dans même de mes pensées, un petit peu être dans une nuage, quoi. Et pourquoi? Parce que c'est vraiment très simple. C'est vraiment musique qui est très, très, très rythmée, même toujours rythme qui se répète. Et je trouve ça reposant. Parfois même, ça peut être... on peut même faire une sorte de méditation en écoutant cette musique. Donc, en fait, ça a l'air simple, mais il m'est arrivé de jouer cette pièce, Spiegel in Spiegel, et ce n'est pas si simple que ça, parce que du début à la fin, il faut tenir les longues notes d'une manière très reposante et détendue, et faire sortir des sons très, très fluides jusqu'à la fin pour que l'auditeur reste dans cet état dont je vous parle. Donc c'était pas évident. En fait, ce compositeur, je le connais, donc Arvo Pärt, car il vient de l'Estonie. Et l'Estonie, c'est la voisine de Lituanie, d'où je viens. Et à l'université ou à l'école, il me semble, on apprenait sur ce compositeur. On disait qu'il est un des compositeurs les plus connus dans les pays baltes. Donc, j'ai découvert ce compositeur assez tôt. Et pour nous, c'était musique contemporaine. Alors qu'il y avait vraiment d'autres choses et plus tard, que j'ai plus tard découvert. Donc, on va entendre cette musique très minimaliste. Et basé sur des accords parfaits de trois sons. Il s'est inspiré, il me semble, d'une clochette qui fait un peu trois sons et il les a mis lentement à l'accompagnement du piano. Et on va voir une version pour violon, alors qu'il existe des versions différentes pour des instruments différents. Donc, Spiegel in Spiegel d'Arvo Pärt, joué par Benjamin Hudson et Jürgen Kruse. Thank you. Donc après cet extrait tellement calme et reposant, j'aimerais continuer dans cet esprit d'une fin qui nous repose, qui nous apaise. Et j'aimerais partager une musique d'un compositeur japonais, Toru Takemitsu, que j'aime beaucoup en fait. Je trouve qu'il a vraiment une poésie dans sa musique et une sorte d'impressionnisme de son très personnel. Et par exemple, Takemitsu a écrit une pièce pour alto qui s'appelle A Bird Came Down the Walk. Un oiseau est venu pour se promener ou d'une promenade. Difficile à traduire. Donc, vraiment, ce compositeur m'inspire des couleurs, m'inspire de sa capacité de capter le moment, capter le son présent, qui peut changer tout de suite, qui peut être très, très calme, qui peut avoir une petite impulsion rapide et se calmer de nouveau. Donc, vraiment, c'est intéressant de jouer ses œuvres. Il a écrit plusieurs pour alto, alto et orchestre, alto et piano. Donc, j'ai découvert pas mal. Là, j'aimerais, pour la fin de cette émission, j'aimerais vous faire entendre quelques extraits de ses chansons pour la voix et le piano, et qui sont très très belles. Et on aura au chant Dominique Wyss et au piano François Couturier. Je vous souhaite une belle écoute. Your Thank you.